tableaux à la belle ville de Paris. Avec une grande tristesse pour mon Chili. Tous mes amis sont venus au port pour m'accompagner. Chacun portait dans ses mains tous mes affaires. Nous sommes arrivés sur l'eau, danser le navire et tombe un mouchoir blanc pour les souris. Enfin je suis à Paris, je marche près de la Seine et sur les pentes du Louvre mon cœur pleure. Déjà au bureau, vis-à-vis la secrétaire, et quand j'entends une sonnette, on m'appelait. Ensuite je vois devant moi le capitaine du musée. Il était très très gentil, monsieur Faré. M'embête en disant que j'ai sauté la fenêtre. Ça c'est pas vrai mes amis, c'était la porte. N'est-ce pas bon?